histoire, j'en ai fait 10 fois le tour. Soyez patient ce soir, je vous parle d'amour. Elle me rend tio, elle me rend baba, elle me prend de haut, elle ne me voit pas. Mon regard disparaît, ma pauvre voix s'étue, car je sais que jamais je ne verrai son. Mon regard disparaît, ma pauvre voix s'étue, car je sais que jamais je ne verrai son. Elle préfère les salauds, elle condamne mon innocence. Elle voudrait un macho, je suis perdue d'avance. Je ne suis qu'un bouffon, pas une, pour me dire que je suis plus qu'un gros con qui la fait à peine rire. Mon regard disparaît, ma pauvre voix s'étue, car je sais que jamais je ne verrai son. Mon regard disparaît, ma pauvre voix s'étue, car je sais que jamais je ne verrai son. Padam, pam, padam, padam, pam, padam, padam, pam, padam, pam, pam. Padam, pam, padam, padam, pam, padam, padam, pam, padam, pam. Elle ne parle pas, telle hurluberlu, elle réserve à son chat le plaisir de la voir nue. Je suis un grand garçon, il y a sûrement pire. Et quand je touche le fond, je préfère en sourire. Mon regard s'arrête, ma pauvre voix s'étue, car je sais que jamais. Ma pauvre voix s'étue, car je sais que jamais je ne verrai son. Mon regard disparaît, ma pauvre voix s'étue, car je sais que jamais je ne verrai son cul. Padam, pam, padam, padam, pam, padam, padam, pam.